pas si tu regardes anciennement là, l'histoire de pacte avec le diable, il y avait tout le temps un consentement. La personne en va se faire à croire que c'est parce que c'est comme ça puis qu'elle n'avait pas le choix. Parce que c'est au niveau de sa fausse identité, ça, qu'elle va se convaincre de ça. Mais il y a tout le temps, quelque part, une partie qui va s'être abandonnée à cause d'une faiblesse ou d'une crainte. Ça peut devenir plus rassurant de vivre esclave dans une prison que d'être libre puis d'être créatif. C'est une des choses qui fait le plus peur. Parce que c'est de l'inconnu. C'est pour ça que l'évolution ou bien de l'intelligence qui vient d'en dehors de l'intellect, c'est extrêmement difficile, ça. Parce que c'est de l'inconnu. L'ego a peur. Ça fait partie de sa nature. Il a peur de ce qu'il connaît pas parce que c'est une lentille pour, surtout quand c'est bien opaque, pour les réflexions, les répétitions, les projections. C'est pour ça que ça donne rien d'essayer de faire évoluer de force. Les gens, ils vont se défendre. Ils vont régresser pour se protéger. Les gens, là, ils ont peur d'être libres. Ils ont peur d'être créatifs. Ils veulent toujours des structures sécurisantes.